Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Tout-Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom, son amour s'étend à jour âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il comble de bien les affamés, envoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais, à jamais. Gloire au Père et au Fils Jésus-Christ, au Saint-Esprit de vie pour les siècles des siècles.